À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le roi Norodom Sihamoni et la grande reine Norodom Moninia Sihanoukou du royaume du Cambodge ont fait parvenir chacun le 15 février une grande corbeille de fleurs à l'ambassade coréenne dans leur pays. Sur le mandat du roi et de la grande reine, la délégation du ministère du palais royal du gouvernement du royaume, conduite par le vice-premier ministre chargé du palais royal, Khon Samol, président du comité préparatoire cambodgien pour les journées du soleil et de la brillante étoile, a déposé les corbeilles de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et leur a rendu l'hommage sublime. Il a transmis à l'ambassadeur coréen les meilleures salutations du roi et de la grande reine cambodgien adressées au dirigeant suprême Kim Jong-un.